de l'amour qui ont sans cesse mal pour les victimes d'une trahison qu'ont frappé leur vie sentimentale. C'est les femmes VS Cupidon. Au jour du LM, il va dire c'était qu'un vrai qu'on sait pas ce qu'on veut. Entre embrouilles et ruptures, les couples se déchirent et se jettent comme des ordures. Disputent dans la voiture, ils perdent le contrôle du véhicule et foncent droit dans le mur. On trouve pas la femme de sa vie à 15 piges, je peux te dire. Tu connais pas le mot souffrir, faut mieux sourire. Arrête de courir, prends ton temps pour trouver le bon. Fais belle comme michetonneuse qui tourne autour de toi pour les ronds. Dis pas que c'est la bonne, car la cochonne fait la halal et la halal fait la cochonne. On garde la forme même après une séparation. Dis pas que j'ai pas raison, sous ce beau corps rouge se cache du mauvais poisson, du mauvais. Tu vas chercher et souffrir, encaisser pour trouver le sourire. Fais belle car l'amour peut te mener à pourrir. Tu l'aimes à en mourir, maintenant tu promets un meilleur avenir. Tu lui as promis de revenir et de rester ensemble pour le meilleur et le pire. Tu croyais c'était la bonne, tu ferais tout pour elle. Pourtant son pote avait prévu que ça allait être temporaire. On compte les jours, les mois, mais rarement les années. Elle a marqué sur son bras ton nom avec du aîné. On s'aime, on se déteste, on s'aime, on se déteste. Un coup c'est une salope et un coup c'est ma princesse. Tu l'avais présenté à tes parents, élégant, heureux. Tu leur as dit papa, maman, c'est elle. Vous avez fait les fiançailles, un mariage rempli de grosses voitures sous le bruit des bécanes. Victim of the love, victim of the life. La chance a tourné mal, à peine rentré dans la salle. La rage charge, on gagne, incendie le mari de balle. Tous vos projets anéantis, cette fois-ci Cupidon vous l'a bien mis. Tu voulais être papa, elle voulait être maman. Si vous vous aimez vraiment, vos cœurs se colleront comme des aimants. Tu vas chercher et souffrir, encaisser pour trouver le sourire. Fais belle car l'amour peut te mener à pourrir. Tu l'aimes à en mourir, maintenant tu promets un meilleur avenir. Tu lui as promis de revenir et de rester ensemble pour le meilleur et pour le pire. Victim of the love, Fienso. Mais ta style meurtrier, t'es tard.